c'était bien la peine de faire campagne pendant des semaines pour retrouver le même tandem, Macron-Le Pen, Macron-Le Pen. Il y a bien eu un peu de suspense sur l'identité du deuxième, mais c'est encore la même rengaine, Macron-Le Pen, Macron-Le Pen. Mélenchon est éliminé, il n'arrive pas à se qualifier. Finalement, il a le niveau pour jouer au PSG. Au PS, quelle déliquescence! Le score d'Anne Hidalgo en France, c'est même pas le prix d'un litre d'essence. Macron, Le Pen, Éric Zemmour est devenu blême, car excepté dans le 16e, il fait pas le poids face au RN. Merci l'Ukraine, merci l'Ukraine. Lui qui se rêvait en Poutine, un grand remplaçant de Marine, il a fini à quel coup dur, comme Balladur, comme Balladur. Vous n'auriez pas une petite pièce pour sauver Valérie Pécresse? Les LR sont en PLS. Ah, quelle tristesse, en être réduit à faire la cloche. Attendez, il y a quelque chose qui cloche. D'habitude à droite, le pognon, c'est un coup de fil à Big Malion. Car avec ces deux-là en tête, l'écologie est bien en peine. Macron Le Pen, Macron Le Pen. Même si pour lutter contre l'abstention, Macron a eu une révélation. Et on va devoir vivre pauvres et riches, comme des Amish, comme des Amish. Au fait que jamais ne parvienne une France livrée à l'extrême, car l'écart est serré quand même. Macron Le Pen, Macron Le Pen. Ta-da-da-di-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Car l'écart est serré quand même. Macron Le Pen, Macron Le Pen.